après Monaco et Marseille, des biens. Ici Nicolas Martel. Je vous invite du 13 au 16 septembre à venir assister en grand nombre au 48e championnat mondial de pétanque avec plus de 48 pays participants. Également, la tenue du festival des biens extrêmes avec la plus grosse sourcière au monde, la chaise musicale géante, le championnat mondial de pédalo et plusieurs autres activités seront à l'honneur. De plus, en soirée, trois spectacles de Québec Cime, partenaire majeur de l'événement. Pour achat de billets ou informations, consultez le site web et le Facebook de la ville de Lévis. On va parler d'NCAA avec notre ami Wallet qui se trouve à Nashville. Salut Wallet. Salut, ça va bien? Ça va bien. Wallet, je vais peut-être y aller à Nashville. Il faut que je prenne une décision éventuellement parce que je voulais y aller pour le football, les Titans. C'est une belle ville, Nashville? Ah, Kim, je te dirais que j'ai visité beaucoup de places, là, puis tu te trompes pas en venant ici. Là. C'est assez le fun, c'est, le monde, on relaxe, il y a de quoi à faire partout, de la bonne bouffe. Puis l'emplacement du stade là, est juste parfait là, si tu viens ici pour une fin de semaine. Là, c'est pas trop de route à faire, je le suggère à tout le monde. T'es-tu là pour les Titans? Non, les Titans sont à l'extérieur en fin de semaine. Je vais aller à Vanderbilt. Demain, par contre, c'est pas un gros match. Il affronte Nevada, juste qu'on était dans la région là, pour la fin de semaine. Puis pourquoi pas aller voir un peu de college football, parce que c'est ce que j'aime principalement. Donc, une expérience de plus. Vanderbilt, c'est quoi? Un stade de 30 000 places? C'est pas une grosse université, Vanderbilt? Quoi? 35 000 à peu près? Ah, je pense un peu plus que ça. Je pense que c'est plus dans l'entour de entre 40 et 50. OK. C'est quand même une équipe, puis même peut-être même plus, c'est une équipe qui joue quand même dans la SEC, là, qui est la plus grosse conférence. Ouais. C'est un peu le club facile à battre là, dans la conférence. Là. Mais je te dirais que c'est probablement une équipe qui jouerait dans une autre conférence un peu moins grosse, puis qui paraîtrait un peu mieux. Là. Dirais-tu que c'est le Indiana de cette division? Ouais. Un peu, ou le Purdue de la Purdue a déjà été au Rose Bowl, une coupe dans le temps de Drew Brees. Ouais, je dirais que c'est grâce à Drew Brees, puis ça devrait peut-être plus jamais arriver. Wallet, on va y aller. Je veux revenir sur les matchs de la semaine passée. Moi, j'ai regardé le match entre Appalachian State et Penn State. Je me suis mis à regarder ça. C'était sur Big Ten Network. C'était vraiment pas un gros match à la base, parce que quand c'est sur Big Ten Network, on s'entend pour dire que c'est pas un grand match, là. Sauf que Appalachian State, ça a passé à un cheveu qu'ils refassent le même coup qu'ils ont fait à Michigan, qu'ils le fassent à Penn State, qui était 10e avant le match, 10e au pays. Si ça n'aurait pas été de l'entraîneur qui est allé prendre une décision de tentative de placement de 56 verges du botteur, il y avait un 4 et 4. Moi, j'aurais été pour un 2-3 verges de plus, un 4 verges de plus. Mais finalement, il a tenté le placement de 56 verges, ça a été raté. Il y a eu un retour de beauté également. Mais ça a passé très près qu'à Palachet de battre Penn State. C'était tout un match. Oui, regarde, je pense que tu as regardé le match un peu plus que moi. Là. Moi, j'ai juste vu les résultats et les highlights du match. Je te dirais que dans l'ensemble, là, Penn State, c'est surtout au niveau de la défensive, parce que l'offensive ont quand même fait des points. Trace McSorley est bien sorti, mais la défensive qui se fait comme marcher dans la face comme ça par Appalachian State, c'était pas très beau à voir. Puis je te dirais que l'équipe va affronter Pitt cette semaine, qui est une équipe pas facile à battre, surtout à la maison. Il va falloir que la défensive soit un peu plus solide, parce que Penn State pourrait dégringoler au classement assez rapidement là, avec une défaite cette semaine. OK. Donc, évidemment, on va être moins longtemps cette semaine parce qu'évidemment, tu es à Nashville, tu es en voyage, puis tu n'as pas vraiment accès à Internet. Ça va être court cette semaine. Le match à voir, moi, j'en ai choisi un, Stanford contre USC. Oui, effectivement. Puis, j'en parlais dans ma chronique là, sur 6 verges et les buts. Avant le début de la saison, on le savait que la Pac-12 North était pour être vraiment forte avec Stanford, Washington puis Oregon. Mais au niveau de la division Sud, c'est un peu ouvert cette année, surtout avec le départ de Sam Darnold puis Josh Rosen de USC puis UCLA. On sait pas trop vraiment à quoi s'attendre de la division du Sud. Fait que là, c'est un bon test pour être capable de voir, OK, on a USC qui est souvent une bonne équipe au sud, contre Stanford qui est dans probablement le top 2, top 3 au nord. Bonne façon d'évaluer les talents, belle façon aussi de voir Bryce Love, le porteur de ballon de Stanford. Il a connu un match difficile la semaine dernière, mais ça reste quand même le porteur de ballon qu'on croit qu'il va sortir numéro 1 au prochain repêchage de la NFL. Donc, ça même donne une occasion de voir. Même avant Taylor? Avant qui? Taylor de Wisconsin? Faudrait que je regarde, mais je pense que Taylor de Wisconsin, je pense qu'il est seulement à sa deuxième saison, donc il va être seulement admissible en 2020, si je me trompe pas. OK. Donc, c'est le match à voir 20h30 sur Fox. Il y a un autre match intéressant également qui peut être à 15h30 sur CBS, c'est Georgia contre South Carolina. Ça devrait être intéressant aussi, ce match-là. Troisième Georgia, 24 South Carolina. Puis South Carolina, c'est une équipe que ça fait quelques années qu'ils ont des ratés. Là, je te dirais, depuis les belles années là, de Marcus Lattimore, ça fait quasiment 5-6 ans de ça, puis de Jadeveon Clowney, ils ont comme eu des saisons de transition un peu plus difficiles. Puis là, ils reviennent tranquillement. Ça peut être un match difficile pour Georgia. Jake Fromm est supposé de commencer au poste de corps arrière, mais avec des ratés, qui sait, peut-être que Justin Fields, qui le pousse dans le dos, va prendre sa place. Ça fait que ça, c'est intéressant à suivre. OK. Ben, on s'en parle vendredi prochain quand tu seras de retour au Québec. Yes! Bonne fin de semaine. Voilà, du site internet leblitznfl.com. Vous allez voir ses chroniques sur le site.